Il y a presque 100 ans, dans la région des Highlands, au nord de l'Écosse, de nombreuses personnes ont raconté avoir vu un étrange monstre sortir du fond d'un lac. Pourtant, nous savons tous que les monstres n'existent pas, n'est-ce pas? Alors que s'est-il passé? Ces gens ont-ils menti? Étaient-ils toc-toc? Ou bien foufou? Pour le savoir, une seule solution. Menons l'enquête. Attention, deux mots anglais se promènent sans traduction entre les lignes. À toi de les retrouver. L'Écosse, c'est très beau. Mais c'est aussi un peu gloomy. Il fait froid, il pleut beaucoup et il y a de grands lacs sombres autour desquels broutent de gentils moutons. Ces lacs immenses qu'on ne trouve qu'en Écosse s'appellent les Lochs. Le plus connu d'entre eux, c'est le Loch Ness. Par une jolie après-midi de printemps, en 1933, Mr. and Mrs. Mackay se promènent en voiture. Comme ils sont un peu frileux, ils ont posé une épaisse couverture à carreaux rouges et verts sur leurs genoux. Voilà, ils sont bien. L'Écosse, c'est leur pays, et ils le trouvent magnifique. Ils aiment tous ces châteaux en ruines, dans lesquels on raconte que se cachent des fantômes. Ils adorent tous ces grands lacs immobiles et glacés, qui, la nuit, reflètent la lune et les étoiles. Ils sont tranquillement en train de rouler devant le fameux Loch Ness, lorsque... John crie soudainement Mrs. Mackay à son époux, Mr. Mackay. John, look! John, regarde! John arrête la voiture. What's that? Qu'est-ce que c'est? Devant eux, une étrange créature vient d'apparaître à la surface de l'eau. C'est un énorme animal à la peau sombre, une sorte de serpent ou de dinosaure, qui plonge et replonge dans l'eau en faisant de grosses vagues. Les époux frissonnent. It's a monster! Mais c'est un monstre! Ajoute Mrs. Mackay, la voix légèrement tremblante. Tout de suite, il raconte l'affaire à Alex Campbell, un reporter qui travaille pour le journal du coin. Alex Campbell sent qu'il peut faire un gros coup. Il publie rapidement un article, un peu choc, intitulé « Étrange spectacle au Loch Ness ». La nouvelle secoue toute la région. Les Écossais n'en croient pas leurs oreilles. Ils en perdent leur kilt. Alors, c'est vrai? Il y a un monstre dans le Loch Ness? Très vite, d'autres personnes se mettent à voir l'étrange animal. Les bords du lac sont envahis de journalistes et de touristes qui arrivent de toute l'Europe dans l'espoir de le voir ou bien de le capturer. On examine chaque centimètre de boue. Qui sait, on pourrait y trouver des indices, comme des traces de pattes, par exemple. Pour rendre le monstre un peu moins effrayant, on lui choisit un prénom assez mignon. Nessie. Il devient un animal presque attachant. Cette drôle d'affaire pose pas mal de questions. Ceux qui disent avoir vu le monstre ne racontent pas tous la même chose. Pour certains, c'est un animal avec un long cou, entre le dinosaure et l'éléphant. Pour d'autres, au contraire, c'est un gros poisson ou un serpent de mer. Alors, à quoi peut bien ressembler Nessie? Et surtout, est-ce qu'il existe vraiment? La réponse arrive 2 ans plus tard, grâce à une photo. Le docteur Kenneth Wilson est un chirurgien qui habite Londres. En rentrant de ses vacances en Écosse, il fait une petite pause pipi sur la route vers les 7 heures du soir. Tout à coup, il remarque un bouillonnement à la surface du lac. Nessie est en train de sortir sa tête hors de l'eau. Vite, le docteur Wilson prend son appareil photo. Il appuie sur le bouton. Coup de chance, la photo est prise juste avant que le monstre ne retourne dans les profondeurs. La photo est excellente. Dessus, on peut voir Nessie en gros plan. Il a une toute petite tête, arrondie, comme une amande. Et un très long cou, un peu comme celui d'une girafe, mais sans taches, ou bien d'un diplodocus, mais un peu plus petit. Des personnes très sérieuses examinent le cliché. Verdict, il n'y a pas de montage, c'est une vraie photo. Le monde a désormais une preuve. Nessie existe bel et bien puisque quelqu'un l'a pris en photo. Le monstre du Loch Ness n'est donc pas une histoire d'hurlu-berlu. C'est une affaire sérieuse, un cas extrêmement intéressant pour les scientifiques. L'œil des zoologistes s'allume et se met à briller. Et si le monstre du Loch Ness appartenait à une nouvelle espèce animale? S'il était un mammifère ou bien un big poisson qui nous arriverait tout droit de la préhistoire? Après tout, chaque année, ou presque, on découvre de nouvelles espèces comme l'okapi, le dragon du Komodo ou bien le requin à grande bouche. Alors, pourquoi pas le monstre du Loch Ness? Les scientifiques, eux aussi, se mettent à rêver. Les Écossais s'emballent, mais certaines pièces ne rentrent pas bien dans le puzzle. Par exemple, comment Nessie se nourrit-il? Vu sa taille, il n'y a pas assez de poissons au fond du lac pour remplir son estomac tous les jours. Et puis, comment fait-il pour respirer, puisqu'il ne remonte que très rarement à la surface? Et enfin, vit-il seul ou à plusieurs? S'il existe un Nessie, il devrait en exister 2, 3, 4, 100 et même 1000. Alors, où sont-ils? L'heure n'est plus aux suppositions. Il est temps maintenant de trouver des réponses sérieuses. En 1976, la prestigieuse National Geographic Society, traduction, la Société Géographique Nationale de Washington, veut avoir le fin mot de l'histoire. Elle finance une grande expédition pour filmer le fond du lac. On en apprend beaucoup sur le Loch Ness, entre autres qu'il abrite des chaussures, des théières et quelques bouteilles de whisky, mais aucune trace de Nessie. Après 7 mois d'enquête, elle donne ses conclusions. Le monstre du Loch Ness n'existe sans doute pas. Mais alors, qu'ont vu tous ces gens? Peut-être le soleil, qui aurait fait apparaître de drôles d'ombres? Ou bien tout simplement des loutres? Ou bien de gros phoques? Heureusement pour les défenseurs de Nessie, les promeneurs continuent de voir le monstre apparaître de temps en temps. Et puis, il reste toujours la photo. Hélas, en 1994, coup de théâtre. Un vieux monsieur fait de bien tristes révélations. Christian Sperling a 90 ans. Des années après les faits, il a besoin de soulager sa conscience. La photo prise par le docteur Wilson était un faux. Un vulgaire trucage. Un mini-monstre de 30 cm, presque un jouet, photographié dans une crique à la nuit tombée. Les deux hommes se connaissaient et ils étaient amis. Ensemble, ils avaient décidé de monter cette horrible supercherie. Pauvre Nessie. Difficile dans ces conditions de continuer à croire à son existence. Pourtant, toutes les semaines, ou presque, des touristes continuent de le voir apparaître et des scientifiques continuent de le chercher. Les hommes sont tout de même un peu fous, tu ne trouves pas ? Mais c'est surtout qu'ils ont besoin de croire à des choses mystérieuses. La science rigoureuse ne suffit pas à contenter notre imagination. Le monde est peuplé de légendes et de monstres mythiques, comme le gentil Nessie, le Yeti ou bien le Mokelemembe. Mais ceci, je te le raconterai dans une autre odyssée. Dernière chose avant de se quitter. Si un jour tu te promènes en Écosse, près du Loch Ness, profites-en pour mener ta propre enquête. Et si jamais tu trouves une preuve, mais attention, une preuve sérieuse, pense à nous écrire. Nous la publierons très officiellement sur le site des Odyssées. Alors, as-tu trouvé les deux mots anglais non traduits qui se sont glissés entre les lignes ? D'abord, il y a eu le mot « gloomy ». Cela veut dire « sombre »,« triste », »,« un peu lugubre ». Ensuite, il y a eu l'adjectif « big ».« Big » en anglais, cela signifie « grand » ou « gros », comme dans le titre du roman de Roald Dahl, « Le bon gros géant », qui en anglais se dit « The Big Fat Giant ». Mais tu peux aussi retrouver ce mot dans le titre de la chanson « Big Bisou » interprétée par le chanteur Carlos. Bien sûr, tu peux demander à tes parents de l'écouter, et même en boucle. Surtout si tu as une soudaine envie de les faire tourner en bourrique.